Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer en ce lundi une étude de notre épître aux Romains. Nous sommes au chapitre 1 et nous sommes au verset 23. Notre bon Père du ciel, on a vu les dernières fois que tu étais en colère. Et quand nous, on est en colère, on fait des choses, on réagit. Ce qui nous a mis en colère nous pousse à faire des actions. Et nous allons voir dans les jours qui viennent que toi aussi, tu as fait des actions. Toi aussi, tu as agi suite à la folie des hommes. Donc, on te demande de nous donner l'humilité d'accepter que c'était la chose à faire pour toi, pour manifester qui tu étais, pour manifester ta gloire, et aussi tu avais le but de sauver des hommes. Donc, donne-nous l'humilité d'accepter ce que tu as fait comme étant parfait. Au nom de Jésus. Amen. On dit souvent que la colère est un sentiment qui vient suite à une forme d'injustice qui a été commise contre nous. Tu me fais du tort d'une façon quelconque. Et souvent, c'est ma colère qui va venir comme sentiment. Elle va se manifester différemment, dépendamment qui on est. La colère peut se manifester dans les pleurs, dans le silence, dans le cri, dans les coups. Mais la colère est un sentiment qui vient quand on nous a fait une injustice. Et Dieu aussi est comme cela. Il s'est mis en colère, non pas parce qu'il y avait qu'il est une soupe aux lèvres, on y avait rien fait, mais il s'est mis en colère pareil. Non, on a vu la semaine passée qu'on a fait de quoi. Et ça l'a mis en colère. Et nous allons voir pendant les jours qui viennent que Dieu va faire trois choses. Ben, ça se trouve être une chose, mais divisée en trois. Nous allons lire premièrement notre premier texte du verset 23 du chapitre 1 jusqu'au verset 25. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. A changé la gloire de Dieu. Qu'est-ce que c'est la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est ce qu'il est. C'est ses attributs. C'est son amour, sa patience, sa justice, sa puissance, sa souveraineté. C'est ses attributs, sa gloire. Qu'est-ce qui fait qu'on glorifie Dieu, qu'on vante Dieu, qu'on admire Dieu? C'est à cause de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est manifesté dans la création. Mais l'homme, dans sa folie, a changé la gloire de Dieu. En disant que Dieu était autre chose. Il dit, il a changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. L'homme a changé la gloire de Dieu en se faisant des images de Dieu. Que ce soit des images mentales, des images spirituelles, des images physiques ou matérielles. C'est pour ça que Dieu avait dit dans les commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face et tu ne te feras pas d'image de moi. Parce qu'en te faisant une image, soit mentale ou en plante ou en bois ou en fer, quand tu vas te faire une image, tu vas changer ma gloire. Et c'est ce que l'homme fait. C'est ce que l'homme fait de tous les temps. Si vous étudiez tous les mouvements religieux dans le monde, L'être humain change la gloire de Dieu incorruptible par des êtres corruptibles. Quand je divinise un être humain, un homme ou une femme, et que je commence à la prier, puis je lui donne des pouvoirs, je change la gloire de Dieu. J'élève l'être humain à l'équivalent de Dieu. Souvent, je demande aux gens, pourquoi est-ce que tu pries telle ou telle personne, homme ou femme, Bouddha, Krishna, Marie, pourquoi tu pries des créatures quand tu as accès au Créateur, quand tu pourrais prier le Créateur? En priant la créature, en adorant la créature, en remerciant la créature, tu déglorifies ou tu changes la gloire de Dieu en faisant cela. Pourquoi est-ce que tu t'agenouilles devant un morceau de bois qui représente un ours ou une tortue ou un aigle ou un soleil ou une lune ou un serpent? Pourquoi? Quand tu pourrais te mettre à genoux devant le Créateur du monde, ton Créateur. En faisant cela, tu changes la gloire de Dieu. Tu mens. C'est ça qu'il dit qu'il a fait des mensonges. Ils ont changé la vérité en mensonges. Ils ont menti en ce qui concernait Dieu. Et Dieu réagit. Dieu fait quelque chose. Dès le début, dès le premier péché, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas de l'arbre car tu mourras. Dieu veut le bien-être de l'homme. Et il veut aussi sa gloire, mais il veut aussi le bien-être de l'homme. Satan dit non. Là, il change la vérité puis il dit, tu ne mourras pas, mais tu vas devenir comme Dieu, semblable à Dieu. Tu vas devenir autonome, indépendant. Tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu vas pouvoir déclarer ce que tu veux. Tu vas pouvoir être indépendant. L'homme le crut. De la vérité, on est allé vers le mensonge. Et ceci s'est perpétué à travers l'histoire de l'être humain. Dieu dit, je veux ton bien. Satan dit, non, Dieu ne veut pas ton bien. Et l'être humain a tombé dans le panneau, il l'a cru. Dieu dit, fais pas ça, c'est mal. Et l'être humain dit, non, c'est pas vraiment mal, je suis au monde comme ça. On change la vérité de Dieu en mensonge. Dieu dit, j'aime pas cela, c'est mal de faire ça, je vais vous punir si vous faites ça. Non, Dieu est trop bon, Dieu est vraiment bon, il peut pas, Dieu, il pardonne tout. Parce qu'il est Dieu. On change des vérités que Dieu nous a dit au sujet de lui-même. C'est pourquoi, c'est le premier de trois, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté. C'est pas tout le monde qui est d'accord ici. Qu'est-ce que ça veut dire, ce Dieu les a livrés à l'impureté? Selon les convoitises de leur cœur. Donc, le cœur de l'être humain a des convoitises, il convoite. Il a convoité dès le début, il a convoité le fruit défendu. Il a convoité d'être semblable à Dieu, d'être comme Dieu. Donc, son cœur rempli de convoitises, Dieu l'a livré à l'impureté. Selon les convoitises de son cœur. Moi, je dirais que Dieu a rendu la situation permanente. Certaines nouvelles traductions ont le mot « abandonné ». Dieu les a laissés aller. C'est comme s'il leur a tourné le dos puis s'il n'est plus occupé. Non, il est passé à l'action. Il a dit quelque chose, il a fait quelque chose. Même dans le jardin, après qu'il ait péché, Dieu ne les a pas abandonnés. Dieu est allé vers eux puis il a mis des conséquences. Tu souffriras, tu frottis, tu travailleras sur ton front, tu marcheras sur ton ventre pour le serpent. Donc Dieu a mis des conséquences. Il est passé, il a livré l'homme. Moi, je dirais qu'il a mis ça permanent. Il a rendu ça permanent. Le mot livré ici, c'est le même mot dans l'épître aux Romains qui va être utilisé en disant Dieu a livré à la mort son fils Jésus. Il l'a pas abandonné. Il a pris une décision, puis il a envoyé son fils mourir. Il voulait que Jésus meure afin qu'il soit glorifié et que l'être humain soit sauvé. Voyez-vous? Donc, si Dieu fait une action de livrer à la mort Jésus, quand il livre l'homme à l'impureté ou à la mort, c'est une action qui est devenue permanente, que Dieu fait. C'est pas juste qu'il laisse aller. Il livre à l'impureté. Le mot impureté, c'est pas seulement sexuel. Oui, c'est quoi? Je crois que c'est sexuel. Mais c'est tout ce qui est impur. Tout ce qui n'est pas pur. Tout ce qui n'est pas bien. Tout ce qui n'est pas honnête ou juste. L'homme est livré à l'impureté selon les convoitises de son cœur. Ça va devenir permanent. L'homme sera pas capable de s'en sortir. C'est un état d'être. Dieu livre l'être humain à la mort dans la Genèse. Puis Paul ici, je crois qu'il dit à peu près la même chose. Dieu a livré à l'impureté, à tout ce qui est impur. Et l'homme va se faire du mal lui-même. Et c'est ça que Dieu voulait. Mais Dieu, l'être humain va se faire du mal à lui-même. Il va vivre maintenant dans la convoitise de son propre cœur, et ça va être permanent. Il ne pourra jamais s'en sortir. Vous savez, on dit souvent, après qu'on a eu quelque chose qu'on désirait avoir, qu'on convoitait, qu'on n'avait pas, qu'on voulait, quand on l'a, qu'est-ce qui arrive? On en veut un autre, on en veut un autre, on en veut un autre, on n'est jamais satisfait. Le gars riche en veut plus. Et c'est pour ça qu'il dit, ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Donc, Dieu leur a donné une raison d'être. Dieu les avait créés pour une raison, être avec lui, vivre avec lui, être dans le paradis avec lui. L'être humain dans la convoitise ou à cause de sa convoitise déshonore. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'il l'honorait, ça veut dire que servir Dieu, adorer Dieu, vivre pour Dieu, il déshonore son corps, son être, sa raison d'être. Et il s'en va vers la folie et il fait des choses qui le déshonorent. Il fait des choses qui vont contre sa nature, contre la raison d'être pour laquelle il avait été créé. Et ceci, quand j'utilise un ordinateur pour faire quelque chose qui n'a pas été fait pour faire, ben il va y avoir des problèmes qui vont surgir. Quand j'utilise mon auto pour faire quelque chose qu'elle n'a pas été faite pour faire, elle va briser, elle va se détruire. Quand j'utilise mon corps pour faire quelque chose, ou mon être pour faire quelque chose qui n'a pas été fait pour faire, mais je vais le détruire. Je me fais du mal. Je vais briser. Au verset 25, il dit, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. » Qui ont adoré une forme humaine ou une forme animale, ou peu importe, qui ont adoré autre chose que Dieu. Dieu les a livrés à l'impureté. Vous savez, quand on regarde l'Ancien Testament, Dieu était souvent patient envers Israël. Mais quand Israël tombait dans l'idolâtrie, commençait à adorer d'autres dieux, une fois, Dieu les reprend parce qu'ils sont en train d'adorer le serpent. Dans le temple de Dieu, ils ont mis un serpent, le serpent que Moïse avait utilisé pour délivrer Israël dans le désert. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire, mais je suis désolé. Mais il adorait un serpent. Et Dieu, quand Israël était rendu là, Dieu intervient. Il dit, c'est ça que tu veux, c'est ça que tu vas avoir. Et Dieu les livre à la Syrie. Dieu les livre aux Babyloniens. Et Dieu voulait vivre avec des idolâtres. Allez-y, vivez avec des idolâtres. Mais acceptez-en les effets. Et vous allez voir qu'est-ce que c'est. Vous allez souffrir. Des fois, ils souffrent pendant 50 ans, 100 ans, 200 ans, 400 ans. Ils souffrent. Parce qu'ils ont convoité. Mes frères et sœurs, parce que l'être humain n'a pas voulu respecter la vérité de Dieu, parce que l'être humain n'a pas voulu accepter Dieu comme il s'était présenté, Dieu l'a mis dans un état où est-ce qu'il va être, ça va rester comme ça, ça va être permanent, et il y a beaucoup de gens qui vont mourir dans cet état-là, et ça va se perpétuer pour l'éternité. Mais il y en a d'autres qui vont être délivrés. Ici, Dieu livre à l'impureté. Plus loin, on va voir qu'il peut délivrer. Mais il n'y a rien que lui qui peut délivrer. Les êtres humains ne peuvent pas se délivrer eux-mêmes. On essaie de toutes sortes de moyens, mais on n'y arrivera jamais. On dit souvent, plus ça change, plus c'est pareil. N'est-ce pas? Plus ça change, plus c'est pareil. Si Dieu a fait cela, c'est pas parce qu'il aimait pas l'être humain, mais il a mis une conséquence à la folie de l'être humain. Mais s'il le livre à cette impureté-là, dans le sens qu'il n'est pas capable de s'en sortir par lui-même, c'est parce qu'il veut que l'être humain lève les yeux vers lui, qu'ils ont rejeté, et qu'il puisse les délivrer. Notre bon Père du ciel, tu as livré l'être humain à l'impureté. Oh, je l'admets, ma chair est pleine de convoitises. Mais il y a une partie de moi que tu as régénérée, que tu as délivrée. Et cette partie de moi veut te servir maintenant. Cette partie de moi ne veut pas vivre dans la convoitise, mais veut vivre selon la vérité, non pas selon le mensonge. Et c'est toi qui m'as délivré. C'est toi. Je t'en bénis éternellement.